Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Félix Leclerc au temps de l'engagement. Après, bien des années après, sont arrivés des événements dans notre pays. Puis moi, je me suis dit, pourquoi pas prendre la parole, hein, quand on... La loi est en colère, tiens, voilà, on n'a fait qu'à déranger. 100 000 façons de tuer un homme. Bon, ça me semble que ça dérange un petit peu. Mais je me suis dit, ceux qui ont fait une marque, ceux qui ont laissé quelque chose, il me semble que ça a toujours été des dérangeurs. Le poète est là pour ça, je pense bien. Qui s'appelle M. Molière, qui se faisait bâtonner après la sortie de ses spectacles, parce qu'il avait entrepris de se moquer des précieuses ridicule, de messieurs tous ces forts, tous ces faux savants, ces bourgeois, c'est tout ce qu'on veut. Et prenez-la tous un par un, sans parler des êtres terriblement, férocement engagés comme Brecht, par exemple, contre le nazisme. Shakespeare, c'était les rois, c'était les coulisses, les intrigues, les meurtres, les complicités. Je me suis dit, pourquoi c'est qu'on prend pas la parole aussi? Pourquoi est-ce qu'on le dit pas? Félix Leclerc, au micro de Lisette Gervais à l'émission La vie quotidienne en janvier 1980, c'est au début des années 70, en pleine crise d'octobre, que monte la colère de Félix Leclerc, une colère qui va le conduire vers une parole et une chanson plus engagées politiquement. Félix, qui a toujours chanté la beauté du pays en appelant à sa survivance, se met tout à coup à rêver tout haut d'un pays politiquement réel et qui aurait pour nom Québec. C'est venu tout seul dans le tour de l'île, le mot indépendance est venu. Comme un critique français a dit, ça trébuchait avec le mot France. Ça me hante, j'aimerais qu'on soit chez nous. Au Québec, vous voulez dire pas seulement à l'île? Oh oui, au Québec, oui. Quand on parle de l'indépendance qui est du Québec, oui. Qu'on soit chez nous, qu'on parle français, c'est tout. Pour célébrer l'indépendance, quand on y pense, c'est-y en France, c'est comme en France, le tour de l'île. 42 000 comme des vagues, les montagnes. Les fruits sont mûrs dans les vergers de mon pays. Ça signifie l'heure est venue, si t'as compris. Félix Leclerc, qui nous parlait de son engagement pour l'indépendance du Québec et de cette chanson, ce monument de chanson, Le Tour de l'île, qu'on vient d'entendre, la façon dont l'indépendance s'est doucement glissée dans le texte de cette chanson, pour nous parler de cet homme engagé, du Félix engagé, des années de l'engagement. Mon invité, Danick Trottier, professeur de musicologie à l'Université du Québec à Montréal, co-rédacteur du collectif Félix Leclerc, héritage et perspective. Danick Trottier, bonjour. Bonjour. On dit parfois de cette chanson qu'on vient d'entendre, Le Tour de l'île, que c'est la chanson testament de Félix Leclerc. En tout cas, c'est certainement celle qui incarne peut-être le mieux son engagement politique. Parlez-moi de ça, de cette chanson-là, de ce qu'elle nous dit sur ce Félix engagé. C'est rare, hein, dans une chanson qu'un artiste va dire clairement son appartenance à une cause politique. Et dans cette chanson, Le Tour de l'île, ça ne peut être plus clair à la fin. Donc, Félix annonce l'indépendance quand on y pense. Et là, il y a la référence à la France, hein, référence qui est très importante pour lui, mais pour toute une génération aussi, cette idée qu'en Amérique du Nord, donc, il y a une province francophone et cette province-là devrait être transformée en pays. D'abord, Le Tour de l'île, c'est le titre d'un disque qui paraît en 1975. C'est la première collaboration de Félix avec un arrangeur, compositeur, musicien qu'on connaît tous au Québec, François Dompierre. Et François va trouver un peu les habits, comme il dit, sonores pour cette chanson-là. Et c'est une chanson qui est carrément une ode à la nature-culture. Oui. L'île devient en quelque sorte le symbole de l'affranchissement national. nationale. Et c'est ce qui est intéressant dans cette chanson-là. Félix va vraiment partir d'une description, si on veut, des lieux. Et il va vraiment tenter de faire un lien entre la géographie, la beauté du lieu et la force culturelle. Oui. Et tout en insistant à la fin sur le mot indépendance. C'est sa grande chanson. Il y a tout là-dedans. C'est une chanson qui dure plus de 6 à 7 minutes, ce qui est très rare chez Félix parce qu'habituellement, c'est plus concentré, ses chansons. Et d'autre part, il y a un texte fleuve. Et ce texte fleuve-là est pratiquement, on pourrait dire, une genèse de tout son engagement, c'est-à-dire de partir de toute la richesse du territoire et d'aller aussi vers la sensibilité ou, si vous voulez, la sensibilisation de ce que peut être la transformation d'un Québec anglophone, hein, quand il fait référence à US Parking pour, évidemment, l'île d'Orléans, jusqu'à cette idée d'affranchissement collectif, donc l'idée d'indépendance. Et c'est intéressant comment il apporte, hein, il dit, l'indépendance, quand on y pense. Donc, il y a ce petit côté un peu faire réfléchir les gens dans cette chanson. Mais tout le ça... Le cheminement qui va vous mener aussi à l'indépendance éventuellement. Exactement, c'est un peu ça l'idée. Et tout ça à travers une belle orchestration de type Ravel, hein, pour ceux qui connaissent un peu la musique française. Donc, c'est très beau comme chanson et c'est vraiment le testament, quant à moi, musical de Félix. C'est donc de ce Félix engagé qu'on va parler au cours de cette émission. On a consacré d'autres émissions, entre autres le Félix et le succès parisien. On a déjà fait cette émission-là, donc on ne reviendra pas là-dessus. On va parler vraiment du Félix engagé aujourd'hui. Cet engagement-là, il commence vers la fin des années 60, parce que le premier Félix, c'est le petit bonheur, c'est un autre Félix. Mais le Félix engagé, peut-être qu'il est engagé autrement, mais en tout cas, il est moins directement engagé politiquement. L'engagement plus direct politiquement, ça commence à la fin des années 60. Parlez-nous de ça. Il en est où dans sa carrière à ce moment-là, Félix? Et comment se produit justement ce déclic qui va le mener à un engagement plus direct? Un engagement plus direct, effectivement. Et même qu'on pourrait faire une coupure, on pourrait dire jusqu'à un certain point qu'il y a eu une forme d'engagement, par exemple une forme de militantisme. Une chanson qu'on vient d'entendre, Le Tour de l'île, on est plus dans un militantisme. Ouais. Alors qu'avant, on était plus dans un engagement. Il y a eu quand même des chanson à un moment où Félix prenait parti pour des enjeux publics. On pense par exemple à la chanson « Attends-moi, petit gars », où quand même il dénonce le clergé. Mais c'est vrai que c'est plus vers la fin des années 60. Donc, il faut dire que les années 60, c'est une décennie de transition chez Félix. Décennie de transition sur le plan affectif, sur le plan de la carrière, à plusieurs niveaux. C'est pas sa période la plus productive en chanson. Peut-être parce que, justement, les Raymond Lévesque, les Gilles Vigneault occupent plus la scène. Et d'ailleurs, il va écrire une pièce de théâtre qui s'appelle « Les Temples » en 66, qui est comme une espèce de pièce de théâtre pour prendre position dans l'air du temps, mais ça ne sera pas un grand succès. Mais vers la fin des années 60, il va rencontrer sa nouvelle épouse, Gaétane Morin. Il va beaucoup fréquenter les cercles péquistes et on sent qu'il se remet à l'écriture de chansons. Il y a entre autres une chanson qui s'appelle « Errance », où il fait appel, dans le fond, à cette idée de pays à naître et autres. Donc là, oui, il y a un nouvel engagement chez Félix. Et aussi, et ça c'est moins connu du public québécois, il va beaucoup séjourner en Suisse. Il va fréquenter les militantistes suisses pour, évidemment, la Suisse romane, donc la Suisse francophone. Et ça va beaucoup l'inspirer également. Il va se rendre compte qu'il y a, avec mai 68, avec les événements ici aussi au Québec, il y a différents courants militantisme à travers le monde. Et il va fréquenter ces courants-là. Et là, il y aura un renouveau donc, de son engagement. Et ça va, si vous voulez, lancer tout l'engagement de Félix pour les années 70. Sans compter que Gaétane Morin, vous l'avez évoqué, mais elle est, c'est elle, au fond, parce qu'elle occupe un poste politique. Elle fréquente les milieux politiques et le Parti québécois directement. Tout à fait. C'est la sœur de Claude Morin, futur ministre dans le gouvernement Lévesque, un des mandarins de la Révolution tranquille. Et Gaétane Morin, elle est aussi près de Jacques Parizeau. Ouais. Et Félix va connaître ces gens-là à travers donc, sa future épouse. Donc, elle devient son épouse en 69. Alors oui, il y a vraiment un milieu, il y a des fréquentations qui sont très dans les cercles indépendantistes. Oui, mais c'est vraiment donc, Gaétane Morin devient, dites-vous, son épouse en 69. C'est l'année suivante que vraiment le grand déclic se produit avec les événements d'octobre. J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples à finances où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. Il y a cette chanson, L'Alouette en colère, qui est importante dans votre répertoire. Voilà, ça, c'est celle qui m'a vraiment un peu réveillé. C'est l'assassinat du ministre Laporte. Moi, je l'ai fait quelques heures avant qu'on le trouve dans l'automobile. Il y avait un problème, là. Les jeunes voulaient parler, quelques jeunes. Prenaient la mauvaise façon de le faire avec de la violence et de la dynamite. C'est pas la bonne manière. Mais il fallait quand même les comprendre. Et je trouvais que l'adulte prenait du temps. l'autorité prenait du temps à se pencher sur son problème, à le comprendre. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Ça a été une chanson très très forte. Et c'est bien, c'était mérité. C'était exact avec son engagement secret, patient, et sa patience. Et puis, sa patience a montré qu'elle avait des limites. Mon fils est en prison. Et moi, je sens en moi, dans le tréfonds de moi, pour la première fois, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère. Extrait de la série « Heureux, qui comme Félix », réalisé par Jacques Bouchard en 1998. Vous entendiez dans cet extrait Félix Leclerc, Gilles Vigneault également. La crise d'octobre de 70, ça a vraiment été un moment charnière dans la vie de Félix Leclerc, d'Annick Trottier. Ce sont ces événements-là, les événements d'octobre, qui le poussent à écrire cette chanson « L'Alouette en colère ». En 72, un album portant ce titre-là va paraître. Quelle importance ça a, cette crise d'octobre, dans ce tournant que va prendre Félix et que va prendre sa chanson? Je dirais que ça a la même importance pour toute la génération des artistes de l'époque, hein, qui ont vécu, évidemment, parce que tout le monde est en lien, que ce soit les amis, Pauline Julien, Gérald Godin, tous les autres. Donc, tout le monde sait. Et en fait, le seul, pratiquement, qui n'est pas emprisonné, c'est Félix dans ceux qui sont poètes aussi. Donc, ouais. C'est vrai qu'il y a eu moins de chanteurs et chanteuses qui ont été emprisonnés, mais Félix ne l'est pas. Mais il voit quand même ses amis être emprisonnés et surtout... L'a-t-on préservé? Parce qu'il aurait pu techniquement, non? Il aurait pu engagé dans le combat de l'indépendance. On se pose souvent la question, mais il avait une telle aura... Ouais. Médiatique, il avait une telle réputation aussi à l'international que là, ça aurait pesé très lourd, je pense, ouais. Sur la conscience des autorités fédérales. Donc, je pense qu'on n'a pas voulu aller jusqu'à là. Ce qui est clair, par contre, c'est qu'un soir, il rentre à l'île d'Orléans. Il est déjà, à ce moment-là, il fait encore beaucoup la navette entre la Suisse, la France et le Québec. Mais pour la crise d'octobre, il est au Québec et un soir, il rentre à l'île d'Orléans où il y a des policiers anglophones à l'entrée de l'île qui lui demandent ses papiers. Et ça, il prend vraiment pas. Ouais. Pour lui, c'est comme si l'île était occupée militairement. Et c'est ce qui va mener à l'écriture de cette chanson-là. Et il faut se rappeler aussi que Félix est toujours vu comme un sage dans la société québécoise. Il n'est pas vu comme l'homme de la colère, justement. Il est vu comme l'homme qui est toujours en train de tempérer. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson-là, à la fin? La colère, je sens la colère en moi, hein, monter. Parce que, dans le fond, on ne respecte pas mon fils. Et mon fils n'a comme seule prise de parole le fait que de se rebeller. Ouais. C'est ce qu'il dit dans cette chanson avec un... Évidemment, un thème de guitare très fort. Hein? C'est en intensité. Hein? Il y a un climax jusqu'à la fin. Et surtout aussi, il reprend une célèbre chanson qu'on connaît tous, folklorique, L'Alouette. Oui. Donc, il reprend cette idée, hein, de l'alouette qui se fait déplumer. Et là, c'est qui se fait déplumer? C'est le fils. Et ça, ça va être très important parce que ce thème du fils déplumé, ça traverse toute sa production des années 70. C'est le thème majeur. Quand on veut comprendre l'engagement de Félix dans les années 70, c'est vraiment à travers ce thème du fils déplumé. Et c'est d'autant plus percutant que c'est ce sage modéré, avec cette présence rassurante qui, tout à coup, vit aussi sa colère. Sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un, voici la plus efficace. Sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un, la plus dangereuse, c'est le coup de fusil. La plus onéreuse, c'est le coup de canon. Ça demande une équipe entraînée au bruit. Félix Leclerc, interprétant les 100 000 façons de tuer un homme lors de ce spectacle « J'ai vu le loup, le renard, le lion » que donne Félix Leclerc avec Gilles Vigneault et Robert Charlebois, la Francofête sur les plaines d'Abraham en août 1974. Ça, c'est un moment fort dans la carrière de Félix, ce spectacle-là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour lui? Bien, c'est un moment fort parce que Félix, c'est pas le gars des grands rassemblements. Hein? Ouais. C'est pas le musicien des grands rassemblements. Faut jamais oublier que Félix, sur scène, c'est pas le musicien le plus à l'aise. Il livre et il donne un bon spectacle, mais il a toujours dit. Lui, il aime d'abord écrire, il aime être derrière. Donc, le fait qu'on réussisse à le convaincre de se rassembler autour d'un thème générationnel, ça, c'est un exploit pour l'époque. Personne ne s'attendait à ça. Et surtout, Robert Charlebois, qui représente plus la frange rock, Gilles Vigneault, vraiment toute la période des boîtes à chansons, et là, avec Félix. Et ce qui est beau dans cette super francophète, donc on est le 13 août 1974, c'est qu'on va célébrer, évidemment, tous les thèmes de l'époque. Ouais. Et Félix va, par exemple, interpréter « L'Alouette en colère » avec une foule qui est en délire. Et surtout, à la fin, on va reprendre en chœur « Quand les hommes vivront d'amour » de Raymond Lévesque comme message d'espoir. Donc, on peut dire là qu'on a les balbutiements hein, de toute cet engagement collectif. Hein. Là, l'engagement n'est plus seulement individuel. La foule répond positivement et ça permet d'avoir des grands rassemblements qui vont aller jusqu'à la victoire du Parti québécois en novembre 76. Radio-Canada, à 8h40, prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. Je dois vous dire franchement qu'on l'espérait de tout notre cœur, mais on ne l'attendait pas comme ça cette année. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. 16 novembre 1976, entre Quimper et Paris. L'arrivée de l'enfant a été dure pour la mère. Enfin, il est là. Bien portant, vigoureux. Déjà, il rue et il crie, il veut vivre. Il quittera sa maison, ouatée de neige, gagnera où les champs, le bureau ou l'usine, exigera juste salaire, la tête haute, mais ne détruira rien. Vandales et braconniers sont des profanateurs et méritent potence. Il fera face au loup, dénoncera le fourbe. Trop de temps, trop longtemps, la terre fut aux lâches, aux oisifs, aux tricheurs. Qu'il l'apprenne, lui, mon fils, qu'il l'apprenne, c'est à son tour, chacun son tour. Elle est belle, elle est là, elle est sienne. Et que la peur de vivre soit rayée à jamais. Tu es chez toi, enfin, vis, goûte, savoure et chante. Ne me remercie pas, que tu vises, comble mes jours de joie. Bon voyage à toi et à ta descendance. On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Félix Leclerc est en France le soir de l'élection du Parti québécois, le 15 novembre 1976. Quelques jours après l'élection du Parti québécois, le journal Le Monde publie un texte de Félix au sujet de cette élection-là. C'est d'ailleurs un extrait de ce texte qu'on vient d'entendre. Que représente pour lui, pour Félix Leclerc, cette élection du Parti québécois d'Alain Trottier? Le renouveau. Ouais. Il va souvent associer cette élection-là à une naissance. À l'époque, il ne faut pas oublier que dans les stratégies péquistes, il y avait au début l'idée hein, que si un gouvernement péquiste était élu, le gouvernement pourrait déclarer l'indépendance. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Après ça, René Lévesque est arrivé, puis avec toute l'idée des tapistes qu'on connaît, avec Claude Morin également. Mais pour les gens qui connaissent cette victoire-là et qui sont dans les cercles, c'est comme si c'était déjà l'arrivée du pays. C'est comme si le pays, ben, il restait juste à faire après. Et Félix est aussi dans cette ère du temps, donc il pense aussi comme ça que le pays naît à ce moment-là avec la victoire et que le référendum, dans le fond, va être dans la poche. C'est pas comme ça que ça va se passer, bien sûr, hein, c'est une autre histoire. Mais et quand on voit, par exemple, les images de la victoire du 15 novembre. On voit, par exemple, des Pierre Perrault. On voit également des Gérald Godin, tous les autres qui sont dans les cercles péquistes. Félix, effectivement, est en France. Et peut-être, justement, pour apporter sa contribution, il va écrire ce texte qui s'appelle « L'an 1 ». C'est très intéressant parce que ce texte « L'an 1 » va se retrouver sur son album deux ans plus tard qui s'appelle « Mon fils », son album de 1978. Les mauvaises langues disent parfois que c'est un album très péquiste. Et c'est pas faux parce que c'est un album qui tourne autour, justement, des thèmes de victoire... ou de la célébration, si vous voulez, de la victoire du Parti québécois. Par exemple, il y a une des chansons qui s'appelle « La nuit du 15 novembre ». Ouais. Pas besoin de dire à personne à l'époque. Hein? « La nuit du 15 novembre », ça porte vraiment sur la victoire péquiste. Et dans cette chanson, on entend un cœur d'enfant dire « Le pays est à nous ». Et nos parents nous l'ont dit. Ouais. Donc, vous voyez, donc, il y a vraiment ce thème-là du pays, des enfants, du renouveau de la naissance. Engagement, militantisme, oui, comme vous disiez, pour reprendre vos mots. Mais il faut dire qu'il est en marche, lui. En 76, le PQ prend le pouvoir. Pour lui, c'est fait. Le référendum, c'est deux années plus tard. Non, il est en marche. 78, ce disque-là, c'est entre l'élection du Parti québécois et le référendum, le premier référendum sur l'indépendance en 80. Il est en marche vers ça. Ce sera non à 60% à peu près, la réponse des Québécois le 20 mai 80. Comment il va vivre ça? Ben, comme tout le reste de sa génération, hein, il va vivre très difficilement, mais Félix n'est pas non plus celui qui va aller sur les tribunes dénoncer la situation. Hein. Il se replie un petit peu à partir des années 80. Il ne faut jamais oublier que Félix quitte la scène en 77. En 79, on crée les fameux trophées Félix, hein, de la disque. Félix est canonisé dans la culture québécoise et célébré, mais il se retire de plus en plus à l'île d'Orléans. Il est de moins en moins à l'aise dans les, disons, rencontres publiques et aussi devant les médias. Donc, après l'échec de mai 80, dans le fond... Il va quand même militer un peu au référendum de 80. Oui, ça, par contre, oui. Il recevra, par exemple, la fameuse médaille du Mouvement national des Québécois au début des années 80. Ensuite, il va être là parmi tous les artistes lors du lancement de la campagne du Oui en avril 80. Ouais. Donc, oui, et c'est sûr qu'à chaque fois qu'on le demande en entrevue, il donne une entrevue, ouais. Il en parle. Et Félix, ce qui est intéressant, contrairement à d'autres, c'est qu'il fait toujours, il va toujours y aller dans une perspective internationale. Ouais. Il va toujours rappeler que les Français ont leur pays, que les Suisses également ont leur pays. Donc, il va rappeler certains éléments et après ça, il va toujours dire, ben nous aussi, on est prêts, on en est là, puis il faut aller de l'avant. Mais après ça, comment qu'il vit cette défaite? Comme tout le monde, il se reclut un peu dans ses terres et il va seulement donner des entrevues à partir environ des années 81-82. Ouais. Et puis 87, René Lévesque meurt à l'automne 87 et à ce moment-là, on demande à Félix Leclerc d'écrire un texte hommage à la mémoire de cet ancien premier ministre. C'est pas un hasard qu'on demande à Leclerc d'écrire ce texte-là. Qu'est-ce qu'il va vouloir dire avec ce texte? Il veut, dans le fond, mettre de l'avant que René Lévesque est un sauveur de peuple. Il va utiliser des expressions très fortes en disant, bien, nous étions asservis, nous n'avions pas telle chose, telle autre. René Lévesque a été celui donc, qui nous a amenés ailleurs. Il va rappeler un petit peu son parcours politique. Donc, on est en novembre 87. C'est une de ses dernières apparitions publiques, d'ailleurs. Et il le fait vraiment sous la forme d'une épitaphe où on sent toute la charge émotive. Hein. On voit vraiment un Félix qui est surpris, qui est vraiment abattu de, comme le reste des Québécois et Québécoises à l'époque. Et comme de fait, il va quitter ce monde quelques mois plus tard. Ouais. Donc, il y a vraiment là, si vous voulez, un testament plus poétique autour de cet hommage à René Lévesque. Ouais. Puisque vous parlez de sa mort en 88, on termine cette émission avec son héritage. Est-ce qu'on a retenu de lui, je vous dirais, lequel des deux Félix? Je parlais du petit bonheur au début de l'émission, mais lequel des deux Félix, celui des années 40, 50, début 60, ou celui des années engagées, lequel s'est fait la plus grande place dans notre mémoire collective? Ça dépend de quel côté on regarde la culture québécoise. Quand on regarde ce qui est le plus chanté, c'est évidemment le premier Félix. Hein? Ouais. C'est encore le petit bonheur, c'est encore Bozo, moi, mes souliers. Mais quand on parle de la culture québécoise, on a beaucoup plus retenu le Félix engagé, effectivement. Et sans doute parce que la génération, les générations qui ont suivi ont connu ce Félix-là aussi. Donc, oui. C'est tout à fait normal. Alors, on rappelle souvent que ben, Félix, c'est notre barde nationale. Et ça, je pense que personne ne l'a oublié. Donc, il sera toujours là dans la mémoire collective pour rappeler... cette idée, donc, d'un artiste qui peut prendre la parole et tenter de changer les choses dans son époque. Danick Trottier, professeur de musicologie à l'Université du Québec à Montréal. Je le rappelle également, co-rédacteur du collectif Félix Leclerc, Héritage en perspective. Ça a été pas un petit bonheur, un grand bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.